Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Bande konanga nyonso nalingi kopesa bino numéro oyo biso pona ko sala musala kende liboso télévision na biso kozwa moyen yango wana na za kopesa na batu nyonso baza na États-Unis d'Amérique. Cash App na biso numéro na yango yango wana botala yango malamu. Cash App numéro na yango ezali plus 1 215 782 0080. Cela veut dire Oyo akoki kosunga biso, sa contribution peut aller de $5, de $10, de $20, de $30, 40, 50, 100, même plus selon moyen amoutou. Donc, notre télévision, Ezo Senga, moyen wana, pour permettre d'avoir des matériels avancés. Boyebi très bien que on n'est pas commercial. On est tout simplement thématique pour pouvoir aider le monde. Tout ça, la recherche pour nous accoper sa cabine d'information et à l'imboka sur tous les plans. Bien. Lelo tokokende na lombangu. Bakatange des souches. Spécialement les balouba du Katanga. Baose ton. Balobi makambo oyo enyongi bango na motema. Et donc, je veux devoir vous faire passer 20 heures oyo, bolanda binomoko, na boi batuba loba, que j'ai créé de toutes pièces. Na lingi, bolanda, boyoka, bongo ngana pe sa commentaire sima. To sengi 20 heures et pa ya. Leader Katange waji ka Moise Tshombe ne sendwe kete ibobadi bayukile masusu wa Katanga jalelo banu bantu bahoba fuile tubashala batu wiba victime kete yukile kintu na shakimu hanu tune namba banu baba iboba leader Katange kobenda netu kete yukile ne kobenda netu Moise Tshombe washilembe inontanda ijihabula jalelo bantu ba Katange kete wiba masusu Utane Katange richesse ya inkinga kuingila nayo muvili. Utane Katange kanjikashi mwamunu mulumu mbashi mukashi wenda kafujira ba masilipi. Ketu jenshima. Bouti kolanda veter oyo. Nazo reprendre yango awa, yango na telephone. Balubi yango na muno kwa mboka. Ngai siko na kuinterprete po boyoka makambo oyo komunote Katangez ya baluba di Katanga. Konapel baluba kat. Balobi nini nazo bandana landango maleme malembe. Mina mina mukia bote bantu kwetu bakatange. Oh, pardon, j'ai commencé en swahili. Laissez, je vais continuer technicien. Je na lobango na lingala. Na pesi mbote na bandeko nanga katange. Ba pasho nyonso toza nango na Katanga eza pona bato mitano seulement nde baza konyokola biso bango nyonso tozo benga ba leader Kabila, Kyungu, Moise, President Mwenze, John Numbi na Gedeon nde ba leader Katanga na biso be ba vrai leader ezaki kaka Moise Tshombe na Sendwe nde bato oyo bayebaki na biso me bao nyonso bao nyokola biso Totikali kaka ba victime ya gestion na bango mabe. Ba leader Katanga tozo kokanisa. Tozo mona pe lokote. Moïse Tshombe atika ki katanga ya très bien atikeli biso ngona maboko. Me ba oyo ba ye konyoko la biso. Richesse tozo mona ngote. Toza ko zo ata musalate. Basi na biso nde bazolu ka misala na ville comme ba domestique potole ya fufu. Ba s'adresser na ba leader na bango. Eza éveil de conscience munene. Ezali kaka ba lubakatu ba lobite awa oyo azape ya empire lunda ya katanga yeyo pe alobi ozoka boyoki ba runde pe ya katanga ba lobi o ba leader ba leader waza ba leader ya bonne forme baibi et pas ya kokende la vie sauté toza na kati ya passe ye pas ça ko reconnaître ici le grand leader pour eux c'était Moïse Tshombe oyo abongisa ki katanga katika ki bango na situation ya malamu na Janson Swende Sendwe nde bazalaki ba leader ya malonga kasi ba oyo nyonso batangi soki deuxième information ezali oyo tali élimination ya tout puissant Mazembe. C'était prévisible. Ça sautait aux yeux, vous n'aviez qu'à voir match naye oyo asala ki ya ale et sala ki nul. D'abord conflit ce côté na équipe wana. Peut-être batubazo lukakoye batina ya maloba na réclamation en pour trésor te et comme muke ba sanctionné ye mais il y a un peu du vrai dans ce qu'il réclame, comme il peut y avoir du faux parce que je n'ai pas tous les dossiers en main. Néanmoins, vous devriez comprendre que Pamphile Miyayo a un collègue en Poutou, qui a été un balle. Mais tant que vous avez un Poutou, vous avez supérieur par rapport à Pamphile Miyayo. Mais les circonstances ont fait que Moïse, tant que vous avez un exil, vous avez supporté l'équipe de Mobulu. Aloba ki Pamphile atikala ko encadré pas comme entraîneur mais comme encadreur baninga nae en mangeant l'appétit arrive Pamphile Miyayo ti ayeko comme confirmé entraîneur reste à savoir soki batinda ki na ba formation et belé mais je suis sûr parce que na mona ki tactique et changea ki et ki akoma ki ko s'imposer peut-être mputu azako kokate ko supporter Oyo collègue naye, oyo ya lekaka collègue, parce que Mputu a une longue histoire, ya makashi collègue Pamphile sur le plan football en Afrique. Peut-être orgueil wana isala ka Mputu, ya ngoba zoyo kanate. Peut-être aussi complexe d'infériorité zayi ko salami ya yo, ya que naza le susu collègue naye te naza entraîneur, et si kawana nde basa ko bendana bendana. Moi, j'avais dit à Mputu un jour, tout cela qui n'a buisson ardent, avec Kosomba DVD. Moi, j'étais en déplacement à Lumbashi. Moi, je disais qu'il fallait à Salato, qui n'a pas balle na poto, à Siasali Makasi en Afrique, na Mazembe. Il fallait à Zalakuna, si sa carrière n'a kuna. Le football qu'il y a là, c'est un autre football. Mazembe a éliminé parce que ça a monotonie. Mazembe a éliminé parce que il y a trois équipes na Congo. Oyez ba membre na bango baza ko bebisa football ya Congo en complice avec la FECOFA et la Linafoot Mazembe vite na imana bazwa ba point belé na ba bureau et ba komo ko so ba point belé chaque année kaka na équipe ya Renaissance ba banzi pe équipe ya Renaissance bazu ba ya joueur nyo so makasi bazu zu bango nyoso c'est une erreur exacte que non nazolo bela mukuna nazolo ba que tant que vous avez boma équipe wana vous avez tika la kabino misatu compétition et vous allez sous sauter parce que vous restez seulement trois boyebani jeu il fallait ba compétition et ala makasi comme vous voyez à l'extérieur il ne faudrait pas avoir ce système africain d'avoir deux équipes seulement de ceux qui ba éliminer ngo pe sili année yeka ka bango baki ça c'est une erreur grave injustice et le kakanali na foot parce que l'Inafoot est composé de membres de Mazembe, de Moteur Pembe et de Vita Club. Donc, le club Moussousou est connu comme un pays. Dossier à Tako Bassani, il y a un peu de temps pour faire ça. parce que même ba président Fekofa baza ba ami ya ba président ba club wana. Il faudra trouver une autre formule pour que le football se relève. Donc, élimination, il y a équipe à Mazembe, ça n'a pas bougé la population par rapport à Mazembe et Baka. Pourquoi? Parce que le joueur est innocent, mais le chef na bango ya ba joueur wana. Ma kambo basala ka ba équipe mususu ya mabe, et ça na frange ya population pe souhaiter que ba équipe na binu ekoya. Regardez un match retour, Mazembe a bet football même ka fou ko beta boete. Même ceux qui va relever Sekusi Kawaya, à Kobeta Nengwanati, Mazembe était nul sur le terrain. Alors, il méritait d'être éliminé. Basa la réunion, basa la baïta major na bango, bakokako changer. Mazembe doit changer le style de football, le style de gestion. C'est monotone. Président Moïse Aoumeli, idée Sili. Pamphile, Père Aoumeli Sili, Botika Pamphile na Chan, Bozouk entraîneur Moussousou pour placer. Il y a moi, Moukolo, avec une autre expérience, pour pouvoir fédérer tous les restes qui jouaient avec Pamphile. Et Zakaka, point de vue, à prendre ou à laisser. Parce que Nayebi, que ma membre, il y a Mazembe, même Moïse l'avait fait, il tuait le popo. En tuant le popo, il tuait la compétition. Ce qui va équiper Zali, il y a Makassi et Bélé Bélé, au commun à que football est changé. Mais ce qui est éliminé, c'est un bureau, c'est un moko. Mbal na makolozi si là, c'est pourquoi on vous élimine avec facilité. Un autre élément ici, c'est que les gens se plaignent trop. Thomson est mati, Biloko est mati, parce que nous ne foutons rien. Je veux prendre ici le cas il y a de Mingadi jusqu'à Kasangulu. Activité ni nezo salé manaba Congo. La tronçon, il y a 20 kilomètres. Nous retrouvons là-bas 12 cimetières. Donc, activité, il y a tout le monde qui est là. Il y a un cimetière. Il y a un cimetière. Cimetière, cimetière. Le cimetière, ce n'est pas une activité de développement pour un pays. L'État congolais faut aboyer la kaba privé qu'il y a comme ça la cimetière à ça la yemoko. Et puis je ne peux pas comprendre un pays pauvre à ce niveau. Bonsoir Kocha, caveau oh ce qui a 2 mètres sur 90 cm, $6,000. $6,000 wana okoko kende na ba kimwenza ma belé ya munene 25 sur 20. $1,500. En tout cas, l'État a payé qui s'abîme au Bande quoi Congo central, bo salabilanga, bo boya na ba village na bino kaka ba cimetière, ça n'est trop. Ce qui toque nanzela wana de Mingadi ya Kasangulu, kaka Tondolo, kaka Koko, kaka Tubamu Anguba Mike Mike, Ntsafu, Marakuja. Il n'y a pas ce qui peut nourrir la population. C'est ainsi que Totikala Batumongo Kakayako Senga Senga tout le temps. Nous avons un fleuve qui nous entoure, mais Tolo Bakambisite Oyobakoko Kende Nakongo Mbisi Kamion Mbaki Koteka. Quand on fait ces remarques, les gens entrent à la défensive pour dire bon, bino boye binini. Ce n'est pas ça. Mi Bandakala, il est belé. Mais côté Oyo, et ça, quand on a côté la boîte, on a mis un bis, mis ça, on a terminé en balabala. Non, l'État provincial, il y a ce Congo central, à prendre bateau, il y a un bis, il y a un belé, à prendre population, il y a un bilanga normal, il y a un Congo à Zanzela qui ne se trouve pas au Kasai, qui ne se trouve pas à l'Équateur. Là, il y en a. Banzela, il y a un côté à côté, il y a un problème, il y a un menteur, mais quand même, il y a. Quelques élèves là-bas, Oyo Babunsu Sobazanangote, mais Bazo produire que les cabinets. Kasai oriental, Kasai occidental, Chikapa, Bozana passe le lot parce que Maëlle Nabino Nyon Sekende qui diamant, esprit à facilité. Diamant mouke, $1,000,000. Et Oyena $1,000,000, au Salinangwe Lokote. Au lieu $1,000,000, et ça la bilanga, et ça la biloko ya ba pisciculture parce que na kasa imbi c'est difficile à attraper. Bosala bo kota na agropastoral rien. Boko zambongo e belen na diamant, boye ko tonganda kuna Kinshasa, bosombi nda kuna Afrique du Sud, mususu bo pesi ba musicien ba yemba kabino. Le kasai est resté vide. Aujourd'hui, on vous fait tout ce qu'on désire vous faire, on vous menace de vous chasser tout le temps parce que ba yebi que quand ils auront peur, ils vont être asphyxiés parce que ce qui baqué pas na bango, il n'y a rien. Le lo le kasai souffre pourquoi? Parce que bokende kibino nyonso na diamant, boboy ko kende ko tanga, boboy ko sala commerce diversifié, boboy ko kende na économie verte, vous êtes resté dans les diamants. Diamant sikoyo, tant au pouvoir à Laurent Désiré Kotaki et compliqué ki bakaluba. Ba longola ba de ba contour de diamant nyonso ba ko tiana Kinshasa. Po bo voyager boya ko te ka we koma ki problème. Kabila ye a bloqué ko tuna diamant yango et comme na compte na bango privé, ne passe salibino. Pourquoi? Parce que tout l'argent que vous étiez en train de gagner, vous n'avez pas songé na agriculture. Ba pays anglophone ils ont tenir pourquoi population il y a ka bien. Équateur, ba tout ya Équateur bosala 32 ans à pouvoir. Bozo ba mbongo ele belé, il fallait boso ba bateau moderne et kendaka. Parce que Équateur tant wa zako ya na beach. Biso tuza kulia mbisi, nyama makaku, nyama zamba ya kukesana. Donc l'Équateur nous nourrissait. Vous avez une terre où il pleut chaque jour. Vous pouvez corona l'osso, vous pouvez kozana ba nyama zamba, vous avez belé, les poissons vous en avez. Mais tous les riches de l'Équateur, ils ne foutent rien de leur province. C'est ça le problème. Je ne sais pas m'étendre sur toutes les provinces, mais expliquer quand même des ordres en Abakongo, des ordres na Kasai, na Katanga, na Équateur. Ba mususu tokoya sima. Na lingina cha image. Oyo ya samedi Kin Bopeto. Kin Bopeto ya salimi samedi, eza Kin Bopeto ya Jantini Ngobilate, mais eza Kin Bopeto ya Monisco. Bolanda image. Koronyo so salaga. Ko sala ba. Nezi ne fuka fuka sipeka. Salaga yo. Bo salani. Tozo sala. Kini bopeto pona moka mboke kala propre ningi salité chassis tiango na chassis eloko ya salité tiango quelque part faut que ni otia na poubelle ce que za bino bosali ou bien za ba onusien bazo sala voilà si que ton moni ba onusien ba ye dès que ba onusien ba ye on ta ngaipe se présenter na pau na bagan ndé tozo sala pour s'accompagner na bagan. Très bien, félicitations. Ok, merci. Omoni Monisco façon zo sala musala. Bazo komba, bazo kata matiti directement batié na poubelle, poubelle en plastique à emporter tout de suite. Camion za pembeni et loko bazo longola, batié ngo na poubelle, ba boaki ngo directement na camion ba ki ko baka musika. Mais oye ya jantini ngobila, ezalia, bo longoli yango na kanivo, bo tiango na balabala. Et puis bo ke. Mvule noki, ezongi si yango. Lokola ba bongi si plaso nyonso Tigar Central. Ma, dans deux jours, bo komona ndenge Kongole ya kosalir. Parce que Kongole, alinga azalaka bebe, basale la yonso. Et sans honte, toko bebi sa, kurayen ke Monisco, akoye lisusu ko bongi sa. Dir si la, portez-vous très bien, que Dieu vous bénisse.